إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer aujourd'hui le cours numéro 52 dans l'explication du livre Iqtida Sirat al-Mustaqim Mukhalafat Ashab al-Jahim du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et c'est avec les explications de Cheikh Saleh Al-Fawzan dans son livre Al-Ta'liq Al-Qawim ala Kitab Iqtida Sirat Al-Mustaqim. Et donc le Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit: wa haqiqatul amr anna jami'a a'mal al-kafir wa umurahu la budda fiha min khalalin yamna'uha an tatimma lahu manfa'atun biha walau furida صلاح شيء من أموره على التمام لاستحق بذلك ثواب الآخرة ولكن كل أموره إما فاسدة وإما ناقصة فالحمد لله على نعمة الإسلام التي هي أعظم النعم وأم كل خير كما يحب ربنا ويرضى وقد تبين أن النفس مخالفتهم أمر مقصود للشارع في الجملة ولهذا كان الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة رضي الله عنهم يعللون الأمر بالصبغ بعلة المخالفة قال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب ولا تشبهوا بأهل الكتاب. Donc le cheikh il dit que la réalité donc de l'ordre dans le hadith au sujet de ne pas teindre la barbe. On avait lu un hadith à ce sujet-là au dernier cours. C'est ça. Donc ça disait de teindre les cheveux de la barbe parce que les gens du livre, ils ne le font pas. Quelque chose dans ce sens-là. Et donc, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh, il dit que, en fait, tous les ordres, la réalité de l'ordre de ne pas imiter les kuffars, ça c'est dans toutes les actions que font les kuffars et dans toutes leurs affaires. Parce que c'est nécessaire ou c'est obligatoire qu'il y ait dans ce qu'ils font un problème. Ou quelque chose qui empêche qu'il y ait dans leurs affaires un bienfait réel. Et donc il dit, supposons que dans qu'est-ce qu'ils font et dans leurs affaires, il y ait quelque chose qui soit bon ou complètement bon et qu'on aurait mérité par cette action-là la récompense de l'au-delà, eh bien il dit, mais il faut savoir de toute façon que toutes leurs affaires sans exception sont corrompues ou défaillante ou déficiente. Et par la grâce d'Allah, hein, on remercie Allah qui nous a donné la grâce de l'islam, qui est la plus grande de toutes les grâces et qui est la mère de tout bien. Comme Allah, subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, l'a aimé et l'a agréé. Et il dit qu'on peut comprendre dans l'exemple qu'on a mentionné à propos du hadith de teindre la barbe ou de teindre les cheveux pour contredire les gens du livre, que c'est dans le but de contredire l'exemple des juifs et des chrétiens, et que c'est ça ce qui est voulu par l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que c'est pour cette raison là que l'imam Ahmad ibn Hanbal et d'autres parmi les imams ont mentionné comme raison pour l'ordre de teindre la barbe dans le hadith en question, que c'est par rapport à la contradiction des juifs et des chrétiens. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de teindre la barbe, et lorsqu'elle est devenue blanche, de la teindre. Pour quelle raison? Pour contredire les juifs et les chrétiens. Et Hanbal, il dit, j'ai entendu l'imam Ahmad, Abu Abdillah, qui disait, je n'aime pas que quelqu'un ne change pas la couleur de sa barbe qui est devenue blanche, pour qu'il ne ressemble pas aux gens du livre. Hein, je n'aime pas que quelqu'un laisse sa barbe blanche et qu'il ne change pas sa couleur pour ne pas qu'il ressemble aux gens du livre. Et il dit c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, changez la couleur de votre barbe lorsqu'elle est blanche ou les poils blancs, ne ressemblez pas aux gens du livre. En fait, dans le hadith c'est écrit ash-shayb, donc que ce soit, d'après moi, ça implique qu'elle soit blanche au complet ou partiellement blanche. C'est une sunna de l'atteindre pour contredire l'exemple des juifs et des chrétiens. Wallahu a'lam. Avec du henna, na'am. Il dit, وقال إسحاق ابن إبراهيم سمعت أبا عبد الله يقول لأبي يا أبا هاشم اختضب ولو مرة واحدة فأحب لك أن تختضب ولا تشبه باليهود ولا تشبه باليهود. Il dit que Ishaq ibn Ibrahim, il a dit, j'ai entendu Abu Abdullah qui a dit à mon père, Abu Hashim, teins ta barbe, même si c'est juste une seule fois, parce que j'aimerais que tu la teignes et que tu ne ressembles pas aux juifs. Il dit, وهذا اللفظ الذي احتج به أحمد قد رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب لا تشبهوا باليهود. وقال الترمذي حسن صحيح حديث حسن صحيح. وقد رواه النسائي من حديث محمد بن كناسة عن هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود. ورواه أيضا من حديث عروة عن عبد الله بن عمر, ولكن قال النسائي كلاهما ليس بمحفوظ. وقال الدارقطني المشهور عن عروة مرسل. وهذا اللفظ أدل على الأمر بمخالفتهم والنهي عن مشابهتهم, فإنه إذا نهى عن التشبه بهم في بقاء بيض الشيب الذي ليس من فعلنا, فلأن ينهى عن إحداث التشبه بهم أولى, فلأن ينهى عن إحداث التشبه بهم أولى, ولهذا كان هذا التشبه بهم يكون محرما بخلاف الأول. Donc il dit, après on va, il y a un autre hadith, il dit, وقال أيضا ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين أحفوا الشوارب وأعفوا عن اللحى أو أعفوا اللحى, يعني خالف المشركين أحف الشوارب وأعف اللحى رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه. Donc le cheikh il dit donc qu'il y a des hadiths sur lesquels l'imam Ahmed s'est basé, et c'est le hadith qui est rapporté par Tirmidhi selon Abi Huraira radiallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: changez la couleur de la barbe blanche pour ne pas ressembler aux juifs. Et c'est un hadith rapporté par Tirmidhi, et il a dit que c'est un hadith qui est Hassan Sahih, et Tirmidhi l'a également rapporté. Selon, il a mentionné la chaîne, et il a dit selon Az-Zubayr, selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit changer la barbe lorsqu'elle est blanche ne ressemblait pas aux juifs. Et c'est rapporté également selon Urwa, selon Abdullah ibn Omar. Il dit, mais sauf que il dit ça c'est pas l'imam al-Nasa'i a dit ça c'est pas préservé, et Ad-Darqutni a dit que Urwa il rapporte des hadiths qui sont mursal. Et c'est-à-dire donc le hadith il est mursal de cette version-là. Je ne sais pas s'il parle uniquement de la version de l'imam al-Nasa'i ou bien s'il parle des deux, mais bon, il semble qu'il parle de la version de l'imam al-Nasa'i. De toute façon, on va expliquer ça plus tard. Et le cheikh il dit وهذا اللفظ أدل. Donc il dit cette version-là, elle est plus claire comme preuve au sujet de l'ordre de contredire et l'interdiction de ressembler aux juifs et aux chrétiens. Et il dit donc que s'il n'y avait pas dans l'interdiction de ressembler aux juifs et aux chrétiens, dans le fait de laisser la barbe blanche, c'est quelque chose qui ne fait même pas partie de nos actions ou des choses qu'on fait, alors ça c'est... il dit si par exemple il est interdit de faire quelque chose de nouveau qui nous ferait ressembler aux gens du livre, eh bien ça ce serait encore plus clair dans l'interdiction de leur ressembler. Et donc il dit que c'est pour ça que l'interdiction de ressembler aux gens du livre c'est quelque chose qui est interdit. C'est clair que c'est quelque chose qui est interdit. Il dit ولهذا كان هذا التشبه بهم يكون محرما. Donc de les interdire, c'est quelque chose qui est interdit. بخلاف الأول. Donc ici il dit فإنه إذا كان النهي عن التشبه بهم في بقاء بيض الشيب الذي ليس من فعلنا فلأن ينهى عن إحداث التشبه بهم أو لا. Donc, en tout cas, on va voir par rapport à cette expression ici, le détail, qu'est-ce qu'il veut dire par la suite. Il dit, dans As-Sahihayn, Al-Bukhari et Muslim, selon Ibn Umar, radiallahu anhuma, il dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, contredisez les juifs et les chrétiens, laissez pousser votre barbe, plutôt coupez vos moustaches et laissez pousser votre barbe. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et ça c'est la version de l'imam Muslim, c'est-à-dire selon Ibn Omar qui a dit faites le contraire ou contredisez ou distinguez-vous des juifs et des mouchriquins plutôt, et coupez la moustache et laissez pousser la barbe. Il dit ici فَأَمَرَ بِمُخَالَفَةِ الْمُشْرِكِينَ مُتْلَقًا ثُمَّ قَالَ احْفُوا الشَّوَارِبْ وَأَعْفُوا اللِّحَى وهذه الجملة الثانية بدل من الأولى فإن الإبدال يقع في الجمل كما يقع في المفردات كقوله تعالى يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم فهذا الذبح والإحياء هو صوم العذاب وكذلك هنا هذا المخالفة للمشركين المأمور بها هنا ولكن الأمر بها أولا لكن الأمر بها أولا. Donc il dit le cheikh ici que dans le hadith le prophète صلى الله عليه وسلم qu'est-ce qu'il a dit, distinguez-vous des mushrikin, puis après il dit dans l'autre phrase laissez pousser votre barbe, coupez vos moustaches et laissez pousser votre barbe. Donc contredisez les mushrikin ou distinguez-vous des mushrikin, coupez votre moustache et laissez pousser la barbe. Donc il explique ici Cheikh l'Islam que ça c'est un ordre de contredire les mouchriquin. Puis quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit laissez, coupez vos moustaches et laissez pousser votre barbe, c'est comme si cette deuxième phrase là remplace la première, dans le sens que c'est comme s'il nous disait contredisez les mouchriquin ou faites le contraire de ce que font les mouchriquin, et dans la deuxième phrase il nous explique qu'est-ce que ça implique de ne pas faire comme les mouchriquins ou de contredire les mouchriquins, c'est-à-dire de laisser pousser la barbe et de couper les moustaches. Donc c'est comme si la première phrase, hein, elle était expliquée par la deuxième. C'est comme si la deuxième phrase, c'était la même que la première, sauf que la deuxième explique et détaille qu'est-ce que la première veut dire. La première phrase nous ordonne de les contredire, et la deuxième phrase, c'est comme si elle explique qu'est-ce que ça implique et les détails à ce sujet-là. Et donc, il dit que c'est comme une phrase qui vient remplacer la première. Il dit que dans la langue arabe, un mot peut remplacer un autre, mais pas seulement un mot. Même une phrase peut remplacer une autre phrase. Et donc, on peut utiliser al-badal pour les phrases, comme on peut l'utiliser pour les mots. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et donc, ici, le cheikh, il donne un autre exemple de ça, un autre cas, dans Surat al-Baqarah, le verset 49. Inch'Allah. Donc, dans Surat al-Baqarah, le verset 49, c'est un autre exemple de cas où une phrase remplace une autre phrase. Il dit, à propos de Pharaon, et qu'est-ce qu'il fait subir au peuple de Bani Israël, il dit qui, les gens, nous vous avons délivré des gens de Pharaon qui vous infligeaient le pire châtiment. Puis la phrase suivante explique qu'est-ce que c'est sous l'azab. Donc c'est comme pour dire en égorgeant vos fils et en épargnant vos femmes. Donc, cette deuxième phrase vient remplacer la première et vient en même temps expliquer qu'est-ce que c'était ce châtiment-là. Naam, donc c'est ça ce que le cheikh explique. Et donc c'est la même chose par rapport à qu'est-ce qui a été mentionné au sujet du hadith de contredire les mouchriquins dans la première phrase, puis le détail de qu'est-ce que ça signifie dans la deuxième. Il dit « فَلَفْضُ مُخَالَفَةَ الْمُشْرِكِينَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ جِنْسَ الْمُخَالَفَ أَمْرٌ مَقْصُودٌ لِلشَّارِعَ وإن عينت هنا في هذا الفعل فإن تقديم المخالفة علة تقدم العام على الخاص كما يقال أكرم ضيفك أطعمه وحادثه فأمرك بالإكرام أولا دليل على أن إكرام الضيف مقصود ثم عينت الفعل الذي يكون إكراما له. Donc le cheikh il dit, donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence au début du hadith en disant khaliful mushrikin, faites le contraire des mushrikin ou contredisez les mushrikin, ça c'est la preuve que qu'est-ce qui est voulu par l'ordre, c'est le sens absolu de la contradiction, de contredire et de se distinguer des mushrikin. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de se distinguer des mouchriquins. Et ça, ça a été désigné ici par le verbe, hein, par le fait de l'ordre de contredire, khalifu. Et il dit que, ici, le fait que l'ordre de khalifu, le verbe khalifu, il a été mentionné en avant et en premier. Ça, ça indique que c'est le sens général qui a précédence sur le sens particulier et sur qu'est-ce qui est plus spécifique. Qu'est-ce qui vient par la suite? Couper les moustaches et laisser pousser la barbe. Ça, c'est plus spécifique. Tandis que distinguez-vous des mouchriquins, ça c'est général. Mais si le prophète s'en somme par la suite, il spécifie. Couper les moustaches, laisser pousser la barbe, ça c'est une façon plus spécifique de contredire les mouchriquins. Et il donne l'exemple avec le fait de dire par exemple honore ton invité. Et par exemple, si je disais à quelqu'un, honore ton invité, nourris-le et parle-lui. Ok? Eh bien, quand je te dis nourris-le et parle-lui, eh bien, c'est pour montrer que de le nourrir et de lui parler fait partie de l'honneur, hein, et du fait d'honorer l'invité. Donc, le fait que j'ai mentionné le fait d'honorer en premier, c'est une preuve que l'objectif voulu par cette parole-là et par cet ordre, c'est d'honorer l'invité, hein, à ce moment-là. Donc, ça, c'est pour expliquer la question ici. Puis il dit والتقدير من هذا الحديث شبيه بالتقرير والتقرير من هذا الحديث شبيه بالتقرير لا يصبغون فخالفوهم وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى وخالف المجوس. Donc il dit que le taqdir dans le hadith, qu'est-ce qu'on a mentionné au sujet de l'ordre de laisser pousser la barbe et de couper les moustaches, c'est la même signification que qu'est-ce qui est voulu dans le hadith quand le prophète Sam a dit les gens du livre ils ne teignent pas leur barbe, alors contredisez-les, c'est-à-dire distinguez-vous d'eux et faites le contraire de ce qu'ils font. Et il dit ça, c'est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih selon Abi Huraira. Et il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit également couper une partie de la moustache et laisser pousser la barbe, distinguez-vous des Majus. Donc il y a différentes narrations du hadith sur l'ordre de laisser pousser la barbe et de couper la moustache, et non pas de raser la moustache en passant, parce que de raser la moustache c'est contraire à la sunna, mais qu'est-ce qui est ordonné, c'est de la couper, de couper une partie de la moustache seulement, c'est-à-dire de la baisser ou de la diminuer, mais pas de la raser. Même certains ulama ont dit que de la raser c'est une bid'ayan. Non. Donc le cheikh il dit المقصود donc الشيخ الفوزان il explique tout ce qu'on a lu. Il dit المقصود أن من جملة المظاهر التي نهينا عن التشبه بالكفار فيها سواء كانوا من المشركين أو من اليهود أو من النصارى أو الأعاجم مسألة اللحى والشوارب فإن فعل هذه الطوائف يعاكس الفطرة وسنة الرسل التي هي إعفاء اللحى وإكرامها وإرسالها وإحفاء الشوارب فهم على العكس يحلقون اللحى ويوفرون الشوارب فالمسلمون ممنوعون من التشبه بهم ومأمورون بالبقاء على السنة على سنة الفطرة. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qu'on veut dire ici dans tous les exemples de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit d'imiter les koufars, peu importe que ce soit parmi les mouchriquins ou les juifs ou les chrétiens ou les étrangers, l'aajim, hein, les noms arabes, il dit c'est la question de la barbe et des moustaches. Parce que les actions de ces différents groupes, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, le cheikh il dit que les actions de ces différents groupes-là, eh bien, leurs actions sont en contradiction avec la fitra, avec la nature saine de l'homme, et de la sunna des messagers à ce sujet-là. Puisque tous les messagers d'Allah, ils laissaient leur barbe, et ils honoraient leur barbe, et ils la laissaient pousser. Et ils coupaient leur moustache, contrairement à ce que les koufars font, c'est-à-dire en laissant pousser leur moustache et en rasant leur barbe. Donc les musulmans sont interdits de ressembler à ces koufars et ils sont ordonnés de rester sur l'exemple de la sunna et de la fitra, hein, de la nature saine de l'homme. et de l'exemple des messagers d'Allah en laissant pousser leur barbe, hein, et en l'honorant, hein, le terme qui est employé c'est ça, ikram al-liha wa ihfa al-shawarib wa juzziha, donc de couper une partie de la moustache et de la diminuer. Donc le cheikh il dit donc ومأمورون بالبقاء على سنة الفطرة وسنة الأنبياء من إكرام اللحى وإعفائها وإحفاء الشوارب وجزها فمع كون إعفاء اللحى وحف الشوارب مخالفة لأصحاب الجحيم فنحن مأمورون بذلك فهو أيضا تشويه للخلقة وتغيير لخلق الله سبحانه وتعالى ولقد تعهد الشيطان بالعمل على ذلك قال سبحانه ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. Donc le cheikh il dit que quand on laisse pousser notre barbe puis qu'on coupe nos moustaches ou bien qu'on diminue nos moustaches, et bien ça c'est en contradiction avec ce que font les gens de l'enfer. Et nous sommes ordonnés de les contredire, hein, de ne pas leur ressembler. Et également, dans le fait de couper la moustache, ou de raser la moustache plutôt, et de couper, non, dans le fait de couper la moustache et de raser la barbe, mais le contraire plutôt. Dans le fait que les mouchriquins et les kuffars laissent pousser leur moustache et rasent leur barbe, c'est ça ce que je voulais dire. Et quand ils laissent pousser leur moustache et qu'ils rasent leur barbe, ils enlaidissent leur apparence. Ils enlaidissent leur apparence. Et ils changent la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le shaitan avait pris l'engagement de faire ce travail avec les êtres humains, c'est-à-dire de les amener à changer la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le shaykh, il mentionne justement le verset 119 dans Sourate An-Nisa à propos de ça justement. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné dans ce verset-là qu'il allait faire en sorte de changer la création d'Allah. C'est le verset 119 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum wala amurannahum falayubattikunna adhan al-an'am wala amurannahum falayughayyirunna khalq Allah. Donc c'est le shaitan qui parle. Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne ses paroles et il dit que le diable, Allah l'a maudit, et celui-ci a dit, certes, je saisirai parmi tes serviteurs une partie déterminée, certes, je ne manquerai pas de les égarer, et je leur donnerai de faux espoirs, je leur commanderai, et ils fendront les oreilles aux bestiaux, et je leur commanderai, et ils altéreront la création d'Allah. Donc ils vont essayer de changer la création d'Allah, et ça fait partie des exemples. Comment ils cherchent, hein, à changer la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَالْآمِرُ هُنَا الشَّيْطَانِ. Donc c'est qui ordonne de changer la création d'Allah? C'est le shaytan. Il dit وَأَمَرَ أَوْلِيَاءَهُ بِتَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ. Il ordonne à ses alliés de changer la création d'Allah. وَبَقِيَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَأَهْلُ الْاتِّبَاعِ وَلِلَّهِ الْحَمْدِ يَتَمَسَّكُونَ بِسُنَّةِ الْأَنْبِيَاءِ وَيُخَالِفُونَ طَوَائِفَ الْكَفَرَةِ وَالْمُشْرِكِينَ فيعفون لحاهم ويوفرونها ويحفون شواربهم ويجزونها. Donc le cheikh il dit donc le shaitan il encourage ses alliés à changer la création d'Allah, et les gens de la sunna, les gens qui suivent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par la grâce d'Allah, ils continuent à s'accrocher à la sunna des messagers et ils contredisent les différents groupes de mécréants et de mouchriquins, et donc ils laissent pousser leur barbe et ils honorent leur barbe, ils la laissent pousser et ils coupent leur moustache et diminuent leur moustache. Et il dit وَهُنَا لَطِيفَ يَجِبُ أَن تُلَاحَظ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَمَرَ بِجُزِ الشَّوَارِبْ تَارَةً وَبِإِحْفَائِهَا تارة، ومعنى ذلك أنها تقص وتنهك. أما الحلق فإنه مكروه، وبعض العلماء يرى أنه محرم لما فيه من تشويه الوجه، فالمشروع في الشوارب أنها تنهك لا تحلق، بل يبقى منها شيء يجمل الصورة. هذه هي السنة والله أعلم. Donc le cheikh il dit, il y a un point ici qui est important à mentionner et qu'on constate dans la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est qu'il mentionne parfois le verbe ou le terme ihfa, et dans l'autre hadith il dit al-juz, et c'est-à-dire donc que tu dois soit la couper ou la diminuer, yani, mais ne pas la raser. Il dit la raser, c'est quelque chose qui est détestable, et même certains ulama considèrent que c'est haram de la raser, parce que ça enlaidit l'apparence du visage, et c'est quelque chose qui n'est pas légiféré. Qu'est-ce qui est légiféré? C'est de couper la moustache, et de non pas de la raser. Il faut qu'il y ait quelque chose qui reste de ta moustache, qui embellit ton apparence, et c'est ça la sunna. Wallahu a'lam. Ensuite شيخ ابن تيمية الذي فعقب الأمر بالوصف المشتق المناسب، وذلك دليل على أن مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع، وهو العلة في هذا الحكم، أو علة أخرى أو بعض علة، وإن كان الأظهر عند الإطلاق أنه علة تامة، ولهذا لما فهم السلف كراهية التشبه بالمجوس في هذا وغيره كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن النبي صلى الله عليه وسلم من هدي المجوس. Donc le cheikh il dit que on voit que dans le hadith qu'on a lu à la fin de la parole, le dernier point qu'on a lu de la parole de Cheikh l'Islam, il avait lu un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim selon Abi Huraira qui disait couper une partie de la moustache et laisser pousser la barbe contredisez ou distinguez-vous des majus. Les majus, c'est les adorateurs du feu, les adorateurs du feu parmi les habitants de la Perse, de l'empire perse à l'époque. Et donc le cheikh il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a fait terminer, ou il a disons conclu l'ordre qu'il a donné de couper la moustache et de laisser pousser la barbe par la raison de cet ordre, et c'est-à-dire l'interdiction d'imiter ou de ressembler aux majus, et il dit c'est ça qui est la cause de cette interdiction-là ou de cet ordre-là. Et ou bien il dit, ou soit c'est la cause du verdict, ou bien c'est une cause d'une partie de ce verdict. Naam, il dit, et à partir de ça, les salafs ont compris que d'imiter les majus, c'est quelque chose de détestable dans la moustache et dans la barbe, et dans d'autres choses aussi, pas seulement dans la moustache et dans la barbe. Ils ont déduit de cette interdiction de ressembler aux juifs, plutôt aux majus, aux juifs et aux mushrikin, en coupant la moustache et en laissant pousser la barbe, ils ont compris que c'est également détestable de leur ressembler dans d'autres choses qui ne sont pas mentionnées dans les hadiths, comme s'ils ont fait une déduction. Donc tout ce qui avait rapport avec les exemples des traditions, des pratiques des majus, il les contredisait. Cheikh Al-Fawzan il dit قوله فعقب الأمر بالوصف المشتق المناسب وذلك دليل على أن مخالفة المجوس أمر مقصود. القاعدة أن مخالفة المسلمين لليهود والنصارى والمجوس والكفرة على وجه العموم أمر مطلوب شرعا، وهنا أشياء منصوص على مخالفتهم فيها على وجه الخصوص كإعفاء اللحى وجزء الشوارب، وهذه أمور مخصوصة وإن كانت داخلة في عموم مخالفة الكفار في هديهم، حتى إن بعض السلف يخالفون في الأشياء التي لم يرد نص في مخالفتهم فيها عملا بالقاعدة العامة، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة المشركين ومخالفة المشركين واليهود والنصارى والمجوس، فليس من لازم المخالفة أن ينص على الشيء، بل القاعدة تشمل ما نص عليه وما لم ينص عليه. Donc, de façon générale, c'est qu'est-ce que le cheikh explique, c'est ça. C'est que la règle, c'est qu'on doit contredire les juifs et les chrétiens et les majus et les koufars de façon générale, et que c'est quelque chose qui est voulu par la charia. Et donc, il y a des choses qui ont été mentionnées textuellement dans le Coran et dans la Sunna, dans lesquelles il y a l'ordre de nous distinguer de ces groupes-là, et que c'est spécifique dans les hadiths, et il y a d'autres dans lesquels c'est comme par exemple l'exemple de la barbe et de la moustache, ça c'est spécifique, c'est mentionné, mais il dit que les salafs, ils ne se basaient pas uniquement pour comprendre ce principe-là, uniquement sur qu'est-ce qui est mentionné dans les textes comme spécifiquement, ils prenaient ça plutôt comme une règle générale qui implique que c'est interdit de leur ressembler de façon générale en toute chose. Même si c'était pas mentionné textuellement dans le hadith. Et ça, c'est une chose que beaucoup de musulmans, parfois, ils comprennent pas. Ils s'imaginent que, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de contredire ou de se distinguer de certains parmi les koufars dans certaines choses, ils pensent que ça veut dire que c'est juste dans ces choses qui sont mentionnées dans les hadiths qu'on n'a pas le droit de les imiter. Mais dans le reste, ils pensent que c'est permis. Donc, Cheikh l'Islam, il est en train d'expliquer que c'est une règle générale et que ça s'applique à tout, pas seulement de leur ressembler dans la barbe et la moustache, par exemple. Hein? Donc, c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est que oui, malheureusement, c'est quelque chose qui est devenu, disons, répandu maintenant, à notre époque, l'imitation des juifs et des chrétiens, au sujet de la barbe et de la moustache, s'est rendu à un point tel que même ils considèrent que, par exemple, si quelqu'un laisse pousser sa barbe, eh bien, c'est pour eux maintenant un signe d'extrémisme, hein, d'extrémisme religieux ou des choses de ce genre. Alors que ça fait partie de l'exemple de tous les messagers d'Allah, de tous les prophètes qui laissaient pousser leur barbe et de la raser, hein, c'est quelque chose qui est interdit. Donc il y a beaucoup parmi les musulmans qui pensent que c'est pas interdit de raser la barbe. Il y en a même qui pensent que c'est quelque chose qui est comme si que ça fait pas partie de la religion, hein, ou que ça n'a pas rapport avec la foi. Hein, donc quand tu dis à un musulman par exemple qui rase sa barbe, ya akhi, ça c'est haram, qu'est-ce que tu fais, pour lui non, c'est pas haram, c'est permis de raser la barbe, et yani, le fait que tu lui dis ya akhi, c'est comme si par exemple tu lui dis ça, c'est un signe de faiblesse de la foi, yani, quand tu as rasé ta barbe, il considère que non, c'est pas quelque chose qui fait partie de la religion. Donc je me rappelle même, il y a bien longtemps, au début, quand j'ai commencé quand je suis devenu musulman, il y avait un frère, yani, subhanallah, je crois que c'était un frère qui venait du Liban. Chaque fois que sa foi était forte, yani, tu le voyais venir à la mosquée et tu voyais que sa barbe, il la laissait pousser. Puis quand il avait une faiblesse dans sa foi, hein, il cessait de venir à la mosquée, tu le rencontrais quelque part dans l'autobus ou dans la rue, tu vois qu'il avait rasé sa barbe. Donc j'ai dit ta foi elle pousse à la même vitesse que ta barbe. C'est comme si tu vois directement le lien entre la foi de la personne puis la barbe qu'il a. Quand il se sent, en fait, c'était un peu le contraire plutôt. Allah musta'an. C'est quand il avait des problèmes dans sa foi, c'est là qu'il coupait la barbe. Puis quand ça allait bien dans sa foi, bon. Oui, toi, tous les dans la vie, oui, je comprends. Donc, mais c'est ça, c'est pour dire, hein, que. Mais de toute façon, Il y a aussi des ikhwan, des hezbiyin qui jouent avec ça, tu vois. Ils se coupent la barbe, ils la font très proche de la peau. Et ça, c'est interdit aussi, tu vois. C'est sûr que c'est pas aussi grave que de raser. Si quelqu'un il la diminue et qu'il la coupe, il joue avec, il la taille, c'est sûr que c'est haram, mais c'est moins grave que de la raser complètement. Hein? C'est moins grave comme péché que de la raser jusqu'à la peau. Mais là, le musulman dans la sunna et dans l'islam, il est supposé de la laisser complètement pousser. Et c'est obligatoire de la laisser pousser, et de la raser, c'est interdit. Et même de la couper, c'est interdit. Donc ça, ça doit être quelque chose qui est clair. Et on voit que dans le hadith aussi, c'est clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Orfou, orfou, anil liha ». Ça veut dire « laissez-les pousser ».« Arkhul liha ». Laissez-la, ne touchez-y pas, hein. Ne la coupez pas, ne la rasez pas. Donc il y a aussi la fitna aussi par rapport au mariage et avec les femmes et tout. Il y en a qui disent si j'ai la barbe, je ne vais pas trouver de femme. Il y en a des, il y a même des frères, Allah musta'an, quand ils font leur mariage, ils se rasent. Il y a des frères qui vont faire la umrah. Quand ils arrivent au moment où ils doivent couper leurs cheveux, ben ils en profitent pour raser la barbe en même temps. Ben, comme des gens, ils ont des mauvaises conceptions, tu vois, ils ont pris les idées des koufars que la barbe est un signe de malpropreté, que c'est pas une belle apparence et des choses comme ça. C'est donc quelque chose qui a été transmis par les koufars, et c'est devenu quelque chose qui est rentré même dans la mentalité de beaucoup de musulmans, dans différents pays musulmans. Ils disent, ben, si tu veux être propre, tu veux être beau, il faut que tu rases ta barbe. Donc ça fait partie des complexes d'infériorité qui ont été inspirés par l'imitation des occidentaux et l'imitation des koufars. Malgré que même en Occident, à une certaine époque, c'était la mode de laisser la barbe. Tous les grands hommes, les hommes importants, les scientifiques, les médecins, les artistes, tout le monde avait la barbe. Les penseurs, les philosophes, tout le monde avait la barbe. Et tu vois ça dans les images qu'ils font là, de leurs hommes importants. Tu vois qu'il y avait toujours la barbe partout. À un moment donné, c'était la mode et tout le monde l'avait. Puis après, c'est passé cette mode. Mais pour nous les musulmans, c'est pas une mode, hein. C'est l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la voie qu'on suit. Et de suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une chose qu'on doit faire et c'est une obligation, c'est pas quelque chose qui est recommandé. Cheikh al-Ziwaqal al-Marouzi, sa'altu Aba Abdillah, yani Ahmad ibn Hanbal, an halq al-qafa, فقال هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال أيضا قيل لأبي عبد الله تكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه؟ قال أما أنا فلا أحلق قفايا. Donc là c'est les paroles de Ibn Taymiyyah. Il cite des paroles des salaf. Il mentionne la parole de l'imam al-Marouzi qui a dit qu'il a demandé à l'imam Ahmad ibn Hanbal au sujet du fait de raser le dos de la tête. Hein? Al-Qafa, c'est-à-dire le derrière ici, qu'est-ce qu'il y a en arrière de la tête? Parce que il y en a qui rasent cette partie-là. Donc ils ont demandé, qu'est-ce que tu dis à propos de celui qui rase sa nuque? Et il a dit, ça c'est l'action des majus, c'est les choses que font les majus. Et celui qui ressemble à un peuple, il est un des leurs. Tu sais, il y a des, en tout cas les Haïtiens, on a cette tradition là, comme quand on se coupe les cheveux, on fait qu'est-ce qu'on appelle, on appelle ça les tchasses. Je sais pas comment on l'appelle en français ou dans d'autres langues, mais c'est que, disons qu'ils font pour égaliser. Hein, quand ils se font couper les cheveux, ils font une ligne, un traçage, disons. pour que ça fasse droit tout autour, ici au devant de la tête, en avant, puis sur le côté, puis tout autour ici en arrière de la nuque, d'un côté à l'autre, par en arrière, ils font un traçage là pour que ce soit égal partout et tout. Donc peut-être que ça aussi, ça rentre dans cette imitation des koufars aussi, puisque ici il mentionne l'interdiction de raser la nuque. وقال أيضا قيل لأبي عبد الله il a dit également, il a demandé on a demandé à l'imam Ahmed, est-ce que tu détestes le fait qu'un homme se rase la nuque ou le visage? Et il a dit, moi je ne rase pas ma nuque. Il a dit وقد روي فيه حديث مرسل عن قتادة في كراهيته وقال إن حلق القفاء من فعل المجوس. Il dit, il y a un hadith mursal qui a été rapporté par Qatada, ou selon Qatada, au sujet du fait que c'est détestable de faire ça. Il a dit que de raser la nuque fait partie des exemples ou des pratiques des majus. Il dit, قال, وكان أبو عبد الله يحلق قفاه وقت الحجامة. وقال أحمد أيضا لا بأس أن يحلق قفاه قبل الحجامة. Donc il dit que Abu Abdullah il rasait sa barbe, c'était probablement ici que il voulait il rasait pas sa barbe, pardon, il rasait sa nuque. Abu Abdullah, c'est l'imam Ahmed, il rasait sa nuque au moment où il voulait faire al-hijama. Ce que c'est al-hijama, c'est qu'est-ce qu'on appelle en anglais, the cupping, en français, je sais pas comment, hein? Comme les ventouses. C'est-à-dire, ils font des petites incisions, puis après, ils prennent un contenant puis ils mettent du feu dedans pour enlever l'oxygène qui est dans le contenant, puis ils le collent sur la partie où ils ont fait les incisions pour faire sortir le mauvais sang. Ce qu'on appelle une saignée ou quelque chose de ce genre. Donc, ça c'est une tradition, hein, une sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé de faire de temps en temps. Et puis, pour le faire à la nuque, c'est bien de raser la partie où on veut le faire avant. Il dit وأيضا لا بأس أن يحلق قفاه قبل الحجامة. Donc c'est qu'il n'y a pas de mal de raser la nuque avant de faire الحجامة. وقد روى عنه ابن منصور قال سألت أحمد عن حلق القفاء فقال لا أعلم فيه حديثا إلا ما يروى عن إبراهيم أنه كره قردر سقوس وذكر الخلال هذا وغيره. Oui, donc c'est ça. Et il dit وذكره ايضا باسناده عن الهيثم ابن حميد قال حف القفاء من شكل المجوس. وعن المعتمر بن سليمان التيمي قال كان أبي إذا جز شعره لم يحلق قفاه فقيل له لما قال كان يكره أن يتشبه بالعجم. Donc il dit ici que c'est rapporté selon Ibn Mansour. Il a dit qu'il a demandé à l'imam Ahmed à propos du fait de raser la nuque. Et il a dit, je ne connais à ce sujet aucun hadith, excepté ce qui est rapporté selon Ibrahim, qu'il a détesté Qardar Isqus. Et c'est mentionné, et Al-Khalal, il a mentionné cette parole également et d'autres. Qardar Isqus, je ne sais pas qui c'est. Peut-être c'est un Majus, quelque chose comme ça, ou c'était peut-être un Majusi. On va voir, inshallah. Oui, il y en a encore. Même, je pense qu'il y en a même ici à Montréal. Oui, des Perses, il y en a qui sont restés sur la religion des Mouchriquines et des Majus. ils continuent à adorer le feu. Il y en a un groupe là, ils s'appellent eux-mêmes plutôt Zertouche. Zertouche, c'est les Zoroastriens, hein? C'est les Majus, c'est eux qu'on appelle les Majus. C'est-à-dire qu'il y en a des gens qui portent la moustache qui ne sont pas nécessairement Majus, tu comprends? Mais sinon c'est devenu une tradition même chez des musulmans. Tu regardes la plupart des gens qui sont montrés parmi les exemples de grands hommes dans les pays arabes dans le XXe siècle. Hein, et puis la plupart, ils avaient une grosse moustache et pas de barbe, hein, malheureusement. Donc c'est devenu quelque chose qui est courant. C'est le contraire de ce que le prophète Sassam a ordonné. Hein, il a dit, coupez vos moustaches et laissez pousser votre barbe. Et tu vois les gens laisser pousser leur barbe, laisser pousser leur moustache et raser leur barbe. Donc c'est le contraire qu'ils font, l'Amstein. Et il dit, il y a aussi une autre parole qui a été rapportée avec une chaîne selon Haytham ibn Humayd. Il dit que de couper la nuque, les cheveux de la nuque, قال حف الخفاء من شكل المجوس. Il a dit de raser la nuque ou de couper les cheveux de la nuque, ça fait partie des apparences des majus. Et Al-Mu'tamar ibn Sulayman al-Taymi, il a dit que il a dit, mon père, lorsqu'il coupait ses cheveux, il ne rasait pas sa nuque. Et on lui a dit pourquoi, et il a dit, il détestait ressembler aux ajam, c'est-à-dire aux étrangers, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas musulmans. Il a dit, wa qawluhu, sa'altu Aba Abdillah. Donc là, le Cheikh Al-Fawzan, il va expliquer ce passage-là. Il dit, sa'altu Aba Abdillah, an halq al-qafa. Al-maqsoud, mukhalafat ghayr al-muslimin min sa'ir al-milal, khususan al-nassara, fi mas'alat al-qaza. Wa huwa halq ba'd al-ra's, wa tarku ba'dihi. Wa huwa ala anwa'. Wa minhu an yakuna bi halq jawanib al-ra's, wa tarku al-wasat. Wa minhu ما يكون بالعكس بالعكس يعني حلق الوسط وترك الجوانب جوانب الرأس ومنه ما يكون بحلق أمكنة من الرأس وترك أمكنة أخرى وسمي بالقزع نسبة إلى قزع السحاب وهو السحاب المتقطع ولذلك جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع ولما يعني سئل نافع وما القزع أو القزع قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. Donc le cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan, en ce qui concerne l'interdiction de raser la nuque, il dit qu'est-ce qu'on veut dire ici, c'est l'interdiction d'imiter les juifs et les chrétiens ou les autres groupes, et l'ordre de nous distinguer d'eux, peu importe leur religion, que ce soit des juifs, des chrétiens ou autres, mais en particulier les chrétiens. Et c'est dans la question qu'est-ce qu'on appelle al-qaza. Et al-qaza, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu rases une partie de ta tête mais tu laisses une autre partie, et ça c'est interdit dans l'islam. Et malheureusement on trouve à notre époque beaucoup de musulmans qui suivent cette tradition. Le cheikh il dit, il y a différentes sortes de qaza, il y a différentes formes de qaza, et il dit que parmi les exemples, il y en a des gens, ils laissent le devant, hein, le milieu, puis ils rasent les côtés, comme qu'est-ce qu'on appelle le style mohawk ou les punk, hein, ou bien les high top, comme on faisait, je sais pas comment on dit en français, high top, c'est comme il y avait un groupe à l'époque qui s'appelait Kill and Play, je sais pas si vous connaissez, mais il y avait un gars là avec une, il rasait toute sa tête sur les côtés tout autour, puis il laissait le dessus, puis il laissait monter ses cheveux très très très haut, puis il coupait à plat sur le dessus, donc ça faisait comme un cylindre, hein, comme s'il avait un cylindre droit sur sa tête. On appelait ça le high top, c'était à la mode à l'époque, hein, quand on était ouais, les années 90, disons début 90, fin 80. Donc dans les années 80, Zulu, ouais, peut-être. On l'appelait aussi le cameo. Cameo. Ouais, c'est ça. Une coupe comme ça. Les Zoulous, ok. Eh ben tu vois. Chaka Zoulou et tout. Ouais. Ouais, non, c'est ça. C'était devenu une mode, puis tout le monde faisait ça. Donc, il y a cet exemple-là. Mais il y a d'autres exemples de qazar. C'est pas obligé d'être juste ce style-là. Il y a les punks, là. Je sais pas si vous connaissez les punks. Hein? Il y a les Iroquois, ils faisaient cette coupe-là aussi, les Indiens, les Iroquois, les Amérindiens. Il y a une autre forme de qazar. Ça, c'était pratiqué plutôt par les moines, les capucins, je crois. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent tout autour, mais ils coupent juste le dessus de leurs cheveux, on voit leur crâne en avant, en haut, on voit le crâne, puis sur les côtés, les cheveux, ils les laissent pousser. Ça, c'est une autre forme de qazar aussi. Donc ça, c'est qu'est-ce que le cheikh a mentionné. Ou bien il dit, des fois, juste de couper certaines parties et de laisser d'autres à n'importe quel endroit. Donc on voit, maintenant, c'est devenu une mode aussi, que des gens se font même faire des dessins dans la tête, et ils se font faire des schémas ou des formes ou des choses. Donc c'est pas seulement devenu juste laisser une partie ou couper l'autre, mais c'est même de faire des designs, il y a des lignes, hein, ou des signes. Il y en a qui se font faire des signes des toiles d'araignée, ou bien disons les emblèmes des différentes équipes de sport là. Je sais pas, des signes par lesquels ils peuvent reconnaître leur équipe ou des trucs comme ça. Ils se font le signe comme ça dans la tête, comme le signe de l'équipe des Canadiens ou une autre équipe de sport, soit hockey ou football ou autre, je sais pas quoi. Donc tout ça, ça rentre dans ce qui est interdit. Et tu vois que malheureusement, des jeunes musulmans qui font ces différentes modes-là. Hein, j'en ai vu, je me rappelle, quand j'étais il y a quelques années en arrière, peut-être deux ou trois ans en arrière, quand j'allais en France, surtout en particulier, il y en avait dans presque toutes les villes, il y en a des jeunes qui faisaient cette mode, mais là où j'en avais vu le plus, c'était surtout dans le sud, à Marseille, et ils avaient comme rasé les côtés de leur tête, puis ils laissaient le dessus, puis ils le teignaient en blond en plus. Non seulement il faisait le qazar, mais il rajoutait de la couleur là-dedans, et ça faisait vraiment catastrophique. Allah al-musta'an. Donc tout ça, ça rentre dans ce qui est haram. Tout ça, ça rentre dans l'imitation des kuffars, et tout ça, c'est interdit. Le restant, ça rentre tous dans le qazar. Cheikh dit, tout ça, ça rentre dans le qazar. Depuis que tu coupes une partie et que tu laisses l'autre partie, ça rentre dans le qazar, parce que tu es supposé d'égaliser tout. Soit tu laisses tout ou tu rases tout. Mais tu ne vas pas couper une partie et laisser l'autre partie. Et le cheikh, il dit ensuite que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de faire le qazar. Il a dit que le terme même qazar, ça vient des nuages. Parce qu'il y a des nuages, des fois tu les vois, ils sont comme coupés entre eux, puis c'est comme si on avait comme fait des séparations entre les nuages, comme si on les avait rasés ou des choses comme ça. Donc c'est de là que vient l'expression par rapport à la tête ou aux cheveux, al-qazar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Nafir lui a posé la question, qu'est-ce que c'est al-qazar, il a dit, c'est de raser une partie de la tête des enfants et de laisser l'autre partie. Donc depuis que tu laisses une partie, que tu rases une partie, t'as commis ce péché-là, t'as fait qu'est-ce qu'on appelle al-qazar. Et c'est un hadith qui est rapporté par al-Bukhari et Muslim, selon Ibn Umar. Il dit, وَأَمَّا حَلْقُ بَعْدَ الرَّأْسِ لِلْحَجَةِ كَالْحِجَامَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَلَا يَدْخُلُ فِي النَّهِي وَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الْعِلَاجِ. والحجامة هي سحب الدم على صفة مخصوصة، فإذا كانت في الرأس فهذا يتطلب حلق الموضع الذي يحتاج إلى فعل الحجامة فيه. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne de raser une partie de la tête pour un besoin par rapport à un traitement, soit une opération, parce que des fois il y a des gens ils doivent faire une opération dans le cerveau ou dans la tête, donc ils vont raser une partie de la tête pour pouvoir faire l'opération, ou bien de faire l'hijama à un endroit spécifique de la tête. Et donc il dit le cheikh que ça, dans ce cas-là, ça rentre pas dans ce qui est interdit. Ça, c'est dans ce cas-là, c'est permis parce que c'est dans le but de faire un traitement et de faire un traitement. Donc, il dit que al-hijama c'est un traitement spécifique, un traitement particulier qui se fait en retirant du sang d'une façon particulière, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, avec des trucs comme des verres ou des, c'est comme des petits verres en vitre. Ou des bulles, hein, on retire l'oxygène ou l'air qui est dedans avec du feu, puis ça fait que ça devient comme une sorte de ventouse, ça fait une suction, et ça aspire en fait, ça fait couler le sang. Donc c'est une façon que les musulmans utilisent pour guérir certaines maladies, puis c'est un traitement en fait, pour retirer le mauvais sang. Puis le nouveau sang se régénère par la suite. Et donc c'est ça. Le cheikh il dit parfois il faut raser une partie de la tête pour faire le hijama. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Il dit wa qawluhu 'an al-Mu'tamar ibn Sulayman qala kana abi idha jazza sha'rahu lam yahliq qafahu. Al-maqsud idha kana al-halq kulluhu bi darajatin wahidatin fala ba's. Fala ba's fi dhalik. Wa mithaluhu istikhdamu al-makinat التي تجوز شعر تجوز شعر الرأس بدرجات معينة مثل درجة واحدة أو اثنتين أو حلق الشعر كله بالموس، كل هذا لا بأس به، أما حلق القفا فقط فهذا لا يجوز. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qu'on veut dire par le hadith lorsqu'il dit que il dit Sulayman al-Mu'tamar ibn Sulayman, il dit quand mon père rasait sa tête ou plutôt coupait sa tête, il n'aimait pas raser sa nuque ou le al-qafa, c'est comme c'est pas vraiment la nuque seulement, c'est tout le dos de la tête, hein, c'est tout le dos de la tête. Donc il n'aimait pas raser le dos de sa tête seulement. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là, c'est que tu dois raser d'un seul degré, c'est-à-dire à la même hauteur tout autour de ta tête, pas faire une partie plus basse qu'une autre. Il y en a qui font qu'est-ce qu'on appelle les dégradés là, hein. Ils rasent un peu plus court sur les côtés, puis ils laissent un petit peu plus long, plus haut. C'est supposé d'être tout égal partout, pas supposé d'être plus long une partie puis plus court une autre. Faut que ce soit égal, faut que ça suive la tête. Et le cheikh il dit c'est comme les appareils, les tondeuses là, qu'est-ce qu'on appelle les tondeuses électriques. Tu peux même ajuster, il dit le cheikh, tu peux ajuster même avec des peignes que tu mets sur l'appareil, sur la tondeuse, qui va faire que ça va égaliser à une hauteur spécifique. Si tu veux que ce soit plus long, tu rajoutes un autre peigne, ça va être plus long, puis toute la tête va être à égalité. Il dit ça c'est correct. Mais qu'est-ce qui n'est pas permis, c'est de raser, ou plutôt de faire une partie rasée, puis de laisser l'autre, ou de laisser le reste. Donc le cheikh il dit, tu peux, soit tu laisses une hauteur, ou deux, ou trois, comme tu veux, la longueur que tu veux, ou bien tu rases tout, mais tu ne vas pas, disons, juste prendre une partie de tes cheveux puis laisser le reste ailleurs dans ta tête. Après il dit والسلف تارة يعللون الكراهة بالتشبه بأهل الكتاب وتارة بالتشبه بالأعاجم وكلا العلتين منصوص في السنة مع أن الصادق صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوع المشابهة لهؤلاء وهؤلاء وقد قدمنا بيانه Il dit que les salafs, parfois, ils expliquent l'interdiction de ressembler aux gens du livre. Ils mentionnent comme explication ou comme raison le fait que c'est quelque chose qui fait qu'il y a une ressemblance avec les gens du livre. Ou bien parfois, il dit que c'est parce que c'est une ressemblance aux Arajim, c'est-à-dire les non-arabes ou les étrangers. Et dans les textes de la Sunna, on retrouve les deux expressions. La limitation des gens du livre et l'imitation des non-arabes ou des non-musulmans de différents peuples qui ne sont pas juifs ou chrétiens. C'est ça que ça veut dire, Al-Ajim. C'est des kuffars, mais qui ne sont pas juifs et chrétiens. Soit de d'autres religions, ou d'autres pratiques ou croyances. Subhanallah, je ne sais pas, vous avez peut-être remarqué dernièrement, c'était une mode il y a quelques temps. Les gens, ils se mettaient des ronds dans les oreilles, puis ça devenait des fois très très grand. Il y en a des pays où des gens font ça, les aborigènes, là, ils se mettent un disque dans la lèvre, puis ça commence avec un petit bâton, puis ça grandit jusqu'à ce que ça devienne une grosse plaque, et ils ont ça en dessous de la bouche. Donc il y en a d'autres que c'est de mettre des ronds dans le cou, et puis ça étire le cou jusqu'à ce que ça devienne très très long. Tout ça, c'est des exemples de choses que certains peuples font parmi les koufars et les mouchriquins. C'est des choses qu'on n'a pas le droit d'imiter. La même chose aussi maintenant, qu'est-ce qui est beaucoup à la mode, qui est apparu depuis les dernières années, disons les 10 dernières années, les tatouages. En tout cas, quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, je me rappelle que c'était que les prisonniers qui avaient des tatous, ou les gens qui faisaient partie de groupes de crimes ou des criminels. Maintenant, c'est devenu un phénomène, je sais pas, c'est devenu quelque chose de phénomène social. C'est ça, c'est devenu acceptable. Maintenant, tout le monde se fait faire des tatous n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Et pour n'importe quoi. Et donc, Allah Musta'an, c'est devenu quelque chose de normal. Alors que dans l'islam, c'est interdit. Le tatouage, c'est interdit. Pour les hommes et pour les femmes. Le tatouage, c'est pas permis. Et il y a aussi qu'est-ce qu'ils appellent le perçage aussi. Le piercing. Oui, c'est la même chose. On n'a pas le droit de faire ça non plus. À moins que c'est pour... Non, faire des boucles d'oreilles, faire des trucs comme ça. Oui, ça c'est permis, mais le piercing des koufars, maintenant, c'est devenu... Ils font partout, ils font partout. Il y en a qui vont se rentrer des trucs même dans le cerveau. Bientôt, ils vont se transpercer la tête. Donc... Si ça continue comme ça, c'est dangereux. Ça fait pas partie des traditions des musulmans. Donc le cheikh, il dit de les imiter, c'est pas permis. Et les deux explications sont mentionnées, que ce soit d'imiter les juifs et les chrétiens, ou d'imiter les autres koufars, les autres mouchriquins qui ne sont pas juifs ou chrétiens. C'est la même chose. Et ça, c'est mentionné dans les hadiths du prophète sallam. Le prophète sallam, il a dit que l'imitation de ces deux groupes-là va se produire dans l'avenir chez les musulmans. L'imitation des juifs et des chrétiens et l'imitation des perses et des romains ou des autres peuples kuffar et mouchriquins. Cheikh Al-Fawzan, il dit « Al-illatu allati min ajliha nuhiya anit tashabbuhi taratan yakunu bi karahati tashabbuhi bi ahli al-kitabi al-yahud wa al-nassara wa taratan al-a'ajim al-kuffar wa kilahuma illa mansousun alayha fil ahadith. » Donc c'est ça, les deux cas sont mentionnés dans les hadiths. Ensuite il dit: wa an Shaddad ibn Aws radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: khaliful majus khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Rawahu Abu Dawud. Wa hadha ma'a anna an-naz' أن النزع اليهود نعالهم مأخوذ عن موسى عليه السلام لما قيل له فاخلعنا عليك. Donc il dit, c'est rapporté selon Shaddad ibn Aws radiallahu anhu, il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: distinguez-vous des juifs, car ils ne priaient pas dans leurs sandales ni dans leurs khouf, dans leurs chaussons. Alors donc contredisez-les et distinguez-vous d'eux, parce que eux ils ne font pas ça, donc faites-le. Hein, c'est comme pour dire, eux ils ne prient pas dans leurs sandales et ils prient pas avec leurs khouf, donc contredisez-les et faites-le. Hein, c'est rapporté par Abu Daoud. Et il dit que malgré que les juifs, eux, quand ils le font, ils disent, nous on enlève nos sandales, c'est parce que Moussa, Allah lui a dit, enlève tes deux sandales avant de s'approcher de l'Wadi al-Muqaddas, et toi, il lui a dit, fakhla'na alayk. Donc malgré ça, on n'a pas le droit de les imiter là-dedans. Donc le cheikh explique, il dit al-yahoud yakhla'unani 'alayhim 'inda salatihim akhdhan min qawli Allah jalla wa 'ala li Musa 'alayhi salatu wassalam fakhla'na 'alayk innaka bil wadi al-muqaddas muqaddas tuwa. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمخالفتهم بأن نصلي في نعالنا، فالمشروع لنا لبس النعال في الصلاة مخالفة لليهود، وهذا هو الأصل. ولكن الآن تغير حال المساجد، فصارت تفرش بالسجاد، وكانت في العهد الأول ترابية، فلا يؤثر دخولها يعني بالنعال، أما الآن فصار يؤثر، فالحاصل أن النعال الآن تخلع عند دخول المسجد. Donc le cheikh il explique, il dit que à la base يعني les juifs eux ils retiraient leurs sandales pour faire la prière, et ils se basaient sur la parole d'Allah lorsqu'il a dit à Moussa, retire tes sandales, tu es dans la vallée bénie ou sacrée de Toa. Puis ça c'est dans le verset 12 dans surat Taha. Les juifs ils ont ça aussi, cette mention là dans leur livre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de contredire les juifs qui ne prient pas dans leurs sandales en priant avec nos sandales. Donc le cheikh il explique qu'il est légiféré pour nous de prier avec nos sandales pour contredire les juifs. Sauf que, il dit ça c'est la base pour nous les musulmans, qu'on doit prier avec nos souliers ou avec nos sandales, avec nos chaussures, avec nos chaussettes, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas interdit. Au contraire, c'est même quelque chose que le prophète Sansoum nous a dit de faire pour se distinguer des juifs. Mais il dit qu'aujourd'hui, avec l'état des mosquées, étant donné que les mosquées sont tapissées et qu'il y a du tapis, donc il dit que à l'époque, les gens, les mosquées, c'était pas comme ça. Il n'y avait pas des tapis. C'était des, le sol était en terre dans les mosquées. Et le fait de rentrer avec les sandales, ça n'affectait pas la mosquée ou des choses de ce genre. Toutefois, aujourd'hui, si tu rentres avec tes chaussures dans la mosquée avec le tapis, tu vas gâcher, tu vas salir, tu vas gâcher tout le tapis. Et donc ça a un mauvais effet sur la mosquée, et donc maintenant on rentre pas avec nos sandales ou nos chaussures dans la mosquée, on les laisse à l'entrée, d'accord. Toutefois si on prie à l'extérieur des fois ou en dehors de la mosquée, on a l'occasion dans ce cas-là de prier avec nos chaussures ou avec nos sandales, dans ce cas-là on le fait. Et je me rappelle à une époque, subhanallah, même on était parti une fois dans une des mosquées aux États-Unis, qui c'est une mosquée des frères Salafi là-bas. Et eux, ils voulaient vraiment s'accrocher à la sunna, alors ils priaient avec leurs chaussures même à l'intérieur de la mosquée. Donc le tapis était complètement ravagé. C'était vraiment, mais c'était spécial de voir ça, les frères rentrer dans la mosquée avec leurs chaussures, puis ils priaient. Masha'Allah. Mais maintenant, finalement, je crois que d'après ce qu'on m'a dit dernièrement, c'est fini ça. C'est-à-dire que maintenant, ils ont changé le tapis et puis maintenant, ils prient sans leurs chaussures dans la mosquée. Il y avait un frère comme ça qui était venu, je ne sais pas si, de quel endroit il venait, je ne me rappelle plus, mais je sais que c'est un frère américain. Il était, comme il voulait montrer son attachement à la sunna et tout, donc il rentrait dans la mosquée, le masjid al-Nabawi, avec ses chaussures, puis il voulait montrer qu'il voulait s'attacher justement à la sunna et tout. Non, c'est pas comme ça. Tu risques de salir le tapis, de faire de la fitna et tout, donc évitez de faire ça. Toutefois, on peut toujours prier avec nos sandales à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam si tu pries dehors ou dans les corridors, parce qu'il y a des corridors où il n'y a pas de tapis, c'est du marbre partout. Donc souvent ça arrivait que lorsqu'on priait dans les endroits où il n'y a que du marbre dehors, à l'extérieur ou autour de la mosquée, on garde nos sandales puis on prie, pas de problème. Mais dans l'intérieur, là où il y a le tapis, tu ne peux pas faire ça. Tu vas gâcher le tapis, tu vas salir. D'accord ? Le plus proche de la sunna, c'est de prier avec les sandales, avec les chaussures, pour suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a même enseigné la sunna par rapport à ça, c'est de regarder en dessous, avant, pour vérifier que c'est pas, il n'y a pas des impuretés, hein, puis de les frotter sur le sol pour les purifier, puis ensuite de rentrer. Et aussi également, il faut aussi mentionner un point très important, c'est que les chaussures et les sandales à l'époque, et encore aujourd'hui, si tu regardes dans les pays musulmans, les sandales sont lisses en dessous. Il n'y a pas plein de lignes, des schémas, des endroits où l'impureté pourrait s'incruster puis rester pris, que tu le réalises même pas. Parce que si tu pries avec tes chaussures ou tes sandales et qu'il y a des fentes à l'intérieur où l'impureté ou la saleté s'incruste, ta prière va pas être valable. Il faut vraiment que tes chaussures et tes sandales soient propres. Quand tu les frottes par terre, ça enlève l'impureté complètement. Donc dans ce cas-là, oui. Mais si c'est des chaussures comme les espadrilles ou les tennis ou les baskets comme les gens les appellent, ou nous on dit les running shoes, et ben il y a plein de crevasses ou des lignes en dessous avec des dessins et tout, donc ça, des crampons, oui c'est ça. Donc si tu marches sur des excréments d'animaux, des chiens ou des chats, tu marches là-dessus, tu rentres après dans la mosquée, ou bien tu rentres, tu vas prier avec ça dehors même, c'est pas propre, tu peux pas prier avec ça, ta prière va pas être valable. Et on a l'exemple même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'époque, il a prié avec ses sandales mais il y avait une impureté dessus, et pendant sa salade il a retiré ses sandales et il a prié, hein, nu-pied, comme ça, sans ses sandales. Et tous les sahabas qui étaient derrière lui ont fait la même chose que lui, hein, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont enlevé eux aussi leurs sandales. Ils ne savaient pas pourquoi. Ils ne savaient pas pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait enlevé ses sandales. Mais du moment qu'il les a vus en train d'enlever leurs sandales, ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam enlever ses sandales, ils ont fait comme lui. Ils imitaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout. Et après la salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué pourquoi il les a enlevés. C'est que Jibril était venu lui dire que il y avait une impureté dans ses sandales, donc il les a retirés. Et il leur a expliqué donc que c'est pour ça qu'il l'avait enlevé. Donc nous, en même temps, c'est ça. On doit vérifier, faire attention à ça. Je dis ça pour que vous faisiez attention si jamais vous priez avec des chaussures et qu'il y a des impuretés qui sont prises en dessous, dans ce cas-là, il ne faut pas prier avec. Ça dépend de quel quartier. Tu sais, il y a des endroits où les gens ils ont beaucoup de chiens. Et ils les promènent, hein, tu sais pas combien de fois par jour ils passent avec leur chien. Parfois ils ramassent, Ils ramassent les excréments, ils les ramassent avec un sac et ils les jettent. Mais ça arrive dans des endroits, parfois les gens ils sont, hein, ils font pas attention, ils laissent les excréments sur le trottoir comme ça. Après tout le monde commence à marcher là-dedans. Oui, exactement, les urines ou autres. Oui, oui, donc il faut faire attention à ça, yani, c'est délicat. Yani. Donc ensuite, le cheikh il dit, « وَعَنْ عَمْرِ بْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكَلَةُ السَّحَرِ رواه مسلم في صحيحه. وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتين أمر مقصود للشارع، وقد صرح بذلك فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر وهو لأجل مخالفة اليهود والنصارى. Donc le cheikh il explique deux hadiths. Le premier hadith c'est le hadith qui est rapporté selon Amr ibn al-As radiyallahu anhu, dans lequel il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la distinction, ou qu'est-ce qui vient trancher entre notre jeûne et le jeûne des gens du livre, c'est le repas qu'on mange avant l'aube, le repas qu'on mange avant le lever du soleil, as-suhur, hein. Donc ça c'est rapporté par l'imam Muslim. Ça indique qu'il faut distinguer entre les deux adorations, l'adoration des gens du livre et l'adoration des musulmans, et que ça c'est quelque chose qui fait partie des objectifs que Allah subhanahu wa ta'ala a établi, qu'il y ait une distinction entre notre adoration et la leur. Et également rapporté selon Abu Daoud, selon Abi Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cette religion va continuer d'être apparente et d'avoir le dessus tant que les gens vont précipiter le fait de briser le jeûne, hein, et de manger après le coucher du soleil, parce que les juifs et les chrétiens retardent. Les juifs et les chrétiens retardent. Et il dit que, donc Cheikh l'Islam, il explique que il y a dans ça la preuve que la religion va continuer à être, hein, forte et avoir le dessus tant que on va se précipiter à faire l'iftar pour contredire les juifs et les chrétiens. Donc il dit ici, Cheikh Al-Fawzan explique: وقوله فصل بين ما صيامنا بين ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، يعني أن مما نهينا عن التشبه بهم فيه ترك السحور، فنحن نتسحر مخالفة لهم وعملا بقوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ف جعل الصيام ما بين طلوع الفجر حتى غروب الشمس فلا يزاد على ذلك. Donc le cheikh il dit que la différence qu'il doit y avoir entre notre jeûne et le jeûne des gens du livre, c'est-à-dire on nous a interdit d'imiter les juifs et les chrétiens en abandonnant le suhur, le repas qu'on mange avant le lever du soleil. Donc nous on doit prendre le repas avant avant l'aube, pour contredire les juifs et les chrétiens. Et il mentionne le verset 187 dans Sourate Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala justement il dit: et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue la ligne blanche de la ligne noire de l'aube, et ensuite complétez le jeûne jusqu'à la nuit. Et donc il a fait le jeûne entre le lever de l'aube et le coucher du soleil, et on ne doit pas rajouter. On ne doit pas rajouter. وقوله لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، وهذا أيضا من الأمور التي أمرنا أن نخالف اليهود فيها، وهو تعجيل الفطر إذا غربت الشمس، لأن اليهود والنصارى يؤخرون الفطر، فتعجيل الفطر فيه مخالفة لليهود وعملا بالسنة وما دام المسلمون متمسكين بالسنة فيظل فسيظل الإسلام ظاهرا. وأما إذا عملوا بالبدع ووقعوا في مشابهة اليهود والنصارى فإن هذا يجعل الدين خفيا. Donc le cheikh il dit que la religion va rester toujours forte et apparente lorsqu'on contredit l'exemple des juifs. Et parmi les exemples de ça, c'est lorsqu'on se précipite à faire l'iftar après le coucher de soleil. Parce que les juifs et les chrétiens, eux, ils retardent l'iftar. Et donc, lorsqu'on précipite l'iftar et qu'on se dépêche après le coucher de soleil pour faire l'iftar, eh bien, on a pratiqué l'exemple de la sunna et on a contredit les juifs. Et tant qu'on s'accroche à la sunna, eh bien, l'islam va rester apparent et fort. Mais lorsqu'on applique des innovations et qu'on commence à imiter les juifs et les chrétiens, eh bien, dans ce cas-là, la religion devient, hein, elle disparaît, la religion disparaît, elle devient moins apparente. Il dit, وإذا كان مخالفتهم سببا لظهور الدين فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله فتكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة. Donc Cheikh al-Islam il dit que lorsque on fait le contraire des juifs et des chrétiens, qu'on les contredit, on se distingue d'eux, eh bien la conclusion et le résultat c'est que la religion devient apparente et forte. Donc, il dit que ça c'est un des buts pour lesquels Allah a envoyé les messagers, pour que la religion ait le dessus sur tout, hein, sur toute autre religion. Et donc, dans le fait de contredire les juifs et les chrétiens, il y a un des plus grands objectifs du fait que Allah, pour lequel Allah a fait venir ou envoyé des messagers, c'est-à-dire pour que la religion soit, hein, au-dessus. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله pour que l'islam soit au-dessus de toutes les autres religions. وهكذا روى أبو داود من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إذا أن تشتبك النجوم. رواه ابن ماجه من حديث العباس ورواه الإمام أحمد من حديث السائب بن يزيد وقد جاء مفسرا تأليله لا يزالون بخير ما لم يؤخرون المغرب إلى طلوع النجوم مضاهة لليهود وما لم يؤخرون الفجر إلى محاق النجوم مضاهة للنصرانية. Donc c'est ça. Le cheikh donc il a cité ce hadith qui est rapporté par Abu Daoud selon Abu Ayyub al-Ansari que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ma umma va toujours être dans le bien et sur la fitra tant qu'il ne retarde pas le maghrib jusqu'à l'apparition des étoiles. Et c'est rapporté selon Ibn Majah, ça fait partie des hadiths d'Al-Abbas, et il est rapporté également par l'imam Ahmad selon les hadiths de Sa'ib ibn Yazid. Et il est venu expliquer la raison pour laquelle la Ummah va toujours être bien, dans le bien, tant qu'il ne retarde pas le Maghreb jusqu'à l'apparition des étoiles, pour ne pas imiter les Juifs, et tant qu'il ne retarde pas l'aube jusqu'à ce que les étoiles disparaissent, hein, pour imiter les chrétiens. إن ذي وهذه فائدة عظيمة هذه فائدة عظيمة طيب كلام لنا ستر أوكي وهذه فائدة عظيمة وهي أن من علامات ظهور الإسلام مخالفة أعداء الإسلام. Il y a un grand bienfait ici qui indique une chose dans ces hadiths là, c'est que parmi les signes que l'islam est au-dessus et qu'il est apparent, c'est lorsque les musulmans se distinguent et opposent les ennemis de l'islam. Ils ne les imitent pas, ils ne les suivent pas. Donc ça, c'est un des signes que l'islam est apparent. Et il dit وَدَلَّ بِالْمَفْهُومِ عَلَىٰ أَنَّ مُوَافَقَتْ عَدَاءَ الْإِسْلَامِ نَقْصٌ فِي ظُهُورِ دِينِ الْإِسْلَامِ فَإِذَا أَرَادَ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَظْهَرْ دِينُهُمْ يعني وأن تعلو كلمة الله فليخالفوا أعداء الله في عباداتهم وفي عاداتهم الخاصة بهم حتى يكون للمسلمين تميز وانفراد بدينهم وبشخصيتهم ولا يذوبون مع الأديان والملل الأخرى. Donc le cheikh il dit, donc si les musulmans, hein, il dit la preuve que on, dans le hadith on peut le comprendre par son sens contraire aussi, c'est que si tu es en accord avec les ennemis d'Allah et que tu prends leur exemple et que tu es d'accord avec, tu suis leur exemple et que tu es d'accord avec eux, eh bien ça c'est quelque chose qui montre la faiblesse de l'islam. Dans ce moment-là, l'islam devient plus faible. Et si les musulmans veulent que leur religion soit plus apparente et plus forte, et que la parole d'Allah soit la plus haute, ils doivent, dans ce cas-là, se distinguer et contredire les ennemis d'Allah dans leurs adorations et dans leurs traditions en particulier, qui leur sont particulières, jusqu'à ce que les musulmans soient distingués et qu'ils s'accrochent à leur religion uniquement et qu'ils gardent leur personnalité et leur identité. Et qu'ils ne fondent pas avec la masse des autres religions et des autres pratiques et des autres croyances. Hein? Parce que c'est ce que les koufars veulent maintenant. Hein? Ils veulent que toutes les religions se mélangent, que tout le monde soit d'accord avec tout le monde, que personne ne contredise personne. Et c'est le contraire de ce que l'islam nous enseigne. L'islam nous enseigne de se distinguer, de ne pas imiter les autres, de ne pas être d'accord avec les autres, ceux qui sont d'accord avec les garments. Donc le cheikh il dit, وَأَيْضًا سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مَنْ يُؤَخِّرُونَ الْإِفْطَارُ وَالصَّلَاةِ إِلَىٰ أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُومِ يعني تظهر النجوم في ظلمة الليل وهذا من الابتداع في الدين ومن خفاء السنة أما المبادرة بالإفطار عند غروب الشمس فهو من إظهار السنة ومن علو هذا الدين. Donc le cheikh il dit également qu'il y a une partie de cette umma qui vont retarder l'iftar jusqu'à ce qu'apparaissent les étoiles, de même que la salat. Donc le cheikh il dit, c'est-à-dire qu'ils vont attendre jusqu'à ce que la nuit apparaisse pour commencer à faire l'iftar ou la salat, et ça fait partie de l'innovation dans la religion. J'ai appris une fois que les chiites, rafida, eux, ils font pas l'iftar après le coucher de soleil automatiquement ou immédiatement. Ils retardent l'iftar jusqu'à très tard dans la nuit. Donc je sais pas si c'est vrai ou non, mais c'est ce que j'avais entendu. Donc ça c'est un exemple de contradiction de la sunna, hein, et d'opposition de la sunna. Et le cheikh il dit, donc le fait de faire ce genre d'innovation là, ça c'est qu'est-ce qui fait cacher la sunna. Tandis que lorsque les gens se précipitent automatiquement que le soleil s'est couché, ils brisent le jeûne, eh bien ça c'est qu'est-ce qui laisse apparaître la sunna et qui élève cette religion. Il dit, wa nabi sallallahu alayhi wa sallam bayyana mawaqit as-salah فوقعت الظهر حين تزول الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب ويظهر ظل من جهة الشرق ووقت العصر إذا تساوى الشاخص وظله والشاخص المرتفع أي حين ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر ويستمر وقت العصر المختار إلى أن يصير ظل الشيء مثله مرتين ووقت صلاة المغرب حين تغرب الشمس ووقت العشاء حين يغرب الشمس حين يغرب الشفق الأحمر ووقت الفجر حين طلوع الفجر الثاني وهكذا بين هذه الأوقات جبريل عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره ثم قال صلى الله عليه وسلم أو قال للرسول صلى الله عليه وسلم يعني الصلاة بين هذين فمن غير مواقيت الإفطار ومواقيت الصلاة فإنه يكون متشبها بالأمم السابقة في تغييرهم لعباداتهم فإن اليهود لا يصلون المغرب حتى يعتم الجو وتظهر النجوم، فمن أخر المغرب إلى هذا الوقت فهو متشبه باليهود. وهناك طائفة تنتسب للإسلام الآن يؤخرون المغرب إلى هذا الوقت، ومن أخر الفجر إلى أن تمحق النجوم، يعني يذهب ضوء النجوم وبظهور الإسفار عند ظهور وضوء عند ظهور ضوء الشمس فهو متشبه بالنصارى. فنحن مأمورون بتعجيل الفطر عند طلوع الفجر، وبتعجيل المغرب عند غروب الشمس. وهناك الآن من يعيب على المسلمين تعجيل صلاة الفجر استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، ومعناه يعني ومعناه التأكد من طلوع الفجر، وليس معناه أن ننتظر حتى يصفر الجو، بل نعجل الصلاة في أول وقتها، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة بغلس حين لا يعرف الرجل من بجانبه من الظلمة، ثم ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه. فدل على أنه صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة الفجر مبكرا، وأنه يطيل الصلاة ولا ينصرف منها حتى يعرف الرجل جليسه من الإسفار. نعم. Donc on va terminer avec ça aujourd'hui, inshallah. C'est le passage où le cheikh explique les différents temps des prières et les différents temps de chaque salat. Et il explique donc que le temps de la prière de Dhuhr, c'est lorsque le soleil est à son zénith, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de nos têtes, directement au-dessus. Alors à ce moment-là, il n'y a pas d'ombre. C'est-à-dire quand tu regardes autour de toi, tu ne vas pas voir que tu as un ombre, parce que le soleil est directement en haut de ta tête. Et le temps de Dhuhr, il commence quand ton ombre commence à apparaître. Quand ton ombre commence à apparaître jusqu'à ce que rentre le temps de Asr. Et le temps de Asr, c'est lorsque ton ombre est arrivé jusqu'à يعني وقت العصر يستمر إلى أن يصل الظل، يعني ton ombre devient le double de ta hauteur. Quand ton ombre devient le double de ta hauteur, alors ça c'est le temps choisi pour Salat al-Asr. Salat al-Maghrib, c'est lorsque le soleil se couche. Salat al-Isha, c'est lorsque la rougeur du ciel a disparu. Et Salat al-Fajr, c'est lorsque le deuxième aube est apparu. Les ulama, ils distinguent entre al-Fajr al-Kadhib ou al-Fajr al-Sadiq. Al-Fajr al-Kadhib, c'est une lueur qui sort de l'horizon. À l'horizon, c'est comme une lueur comme ça qui monte à la verticale. Ça, c'est ce qu'on appelle Al-Fajr al-Kadhib. Puis Al-Fajr al-Sadiq, c'est quand tu vois l'horizon comme ça, puis que tu vois apparaître une lueur verticale qui suit l'horizon. Ça, c'est Al-Fajr al-Sadiq. Horizontal. Al-Fajr al-Kadhib, c'est vertical. Al-Fajr al-Sadiq, c'est horizontal. Le premier, c'est Al-Kadhib. Ok? Donc, le deuxième aube, c'est là que tu commences à jeûner. En passant, ça, c'est des choses que tu ne peux pas voir dans la ville. Tu ne peux pas voir ça dans la ville. Non, tu ne peux pas. C'est pas possible. Tu peux peut-être voir ça quand tu es dans l'avion. Des fois, si tu voyages, tu peux peut-être voir ça en avion. Ou dans la campagne, ou à l'extérieur, dans le désert, ou dans la... Là, tu vois. Mais dans la ville, il y a trop de lumière, tu peux pas distinguer. Le premier, c'est horizontal ou vertical? Le premier, c'est vertical. Al-Fajr al-Kadhib. Vertical, c'est de haut en bas. Et le fajr al-salih, c'est horizontal. C'est-à-dire c'est la lueur. Ce n'est pas le soleil lui-même. Ça, c'est le début de l'aube. À partir de ce moment-là, tu ne peux plus manger. Jusqu'à ce que le soleil dépasse l'horizon. Quand tu commences à voir apparaître le disque du soleil qui sort, là ça veut dire que le soleil s'est levé, maintenant tu peux, la prière de Fajr est finie. Le Fajr, ça commence à partir de la lueur du Fajr Sadiq jusqu'à ce que le disque solaire sorte de l'horizon. Là, ça c'est entre ces deux temps-là que tu dois prier le Fajr. Tu dois t'arrêter de manger avant ça. D'accord ? Naam. Donc, c'est ça qu'il dit ici le cheikh. Après ça, il dit « وَهَكَذَا يَعْنِي بَيَّنَ هَذِهِ الْوَقَاتِ » Ça, c'est Jibril qui a enseigné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ces différents temps de la prière lorsqu'il est venu visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dirigé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans chacun des temps au début et à la fin. Et il a dit la salat c'est entre ces deux temps là donc il lui a montré les intervalles et il a dit celui qui change donc le cheikh il dit celui qui change ces temps là pour l'iftar ou bien les temps pour la salat alors il a imité les peuples qui nous ont précédés dans le changement qu'ils ont fait de leurs adorations comme les juifs qui ne prient le maghreb que lorsque il fait noir très tard dans la nuit lorsque les étoiles sont apparues et les chrétiens hein, ils font le contraire donc les juifs eux ils retardent le maghreb jusqu'à un temps très tard et donc ça celui qui fait ça parmi les musulmans il a imité les juifs et il y a un autre groupe qui se prétend musulman ou qui appartient à l'islam et ils font ça aussi c'est comme je vous disais tantôt les rafidah j'ai entendu qu'ils font ça justement et ils se disent musulmans il y a un autre groupe eux ils retardent le Fajr jusqu'à ce que on voit plus les étoiles complètement c'est à dire quand il fait clair et ils retardent le Fajr jusqu'à ce temps là ceux qui font ça en général c'est les Ahnaf je ne sais pas si vous connaissez les Ahnaf les gens qui suivent le Madhab al-Hanafi c'est en général c'est les Pakistanais et les Turcs c'est là que ce madhab est le plus pratiqué aussi en Inde et eux ils retardent le Fajr très tard Allahu A'lam je ne sais pas l'Égypte parce que je sais qu'en Égypte ils sont Shafi'i c'est des Shafi'iyya c'est pas des Ahnaf mais tu vois ça chez les Ahnaf ils font le Fajr presque quand il fait presque clair non et donc ça c'est pas correct. Et le cheikh, il dit donc que ça c'est une imitation des chrétiens. Il dit donc nous on est ordonné de précipiter la prière de Fajr au moment où l'aube se lève. Et c'est ça. Et de précipiter le Maghreb au moment où le soleil se couche. Et il dit qu'il y a des gens qui blâment les musulmans. Qui prie trop tôt le Fajr ou qui prie plus tôt le Fajr, il les blâme en se basant sur un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi et An-Nasa'i selon Rafi' ibn Khudayj. Et ce hadith-là, ça dit Asfiru bil Fajr fa innahu a'zamu lil ajr. C'est-à-dire, priez le Fajr quand il fait plus clair pour avoir une plus grande récompense. Le cheikh, il dit ça veut dire quoi? Le sens de ce hadith, ça veut dire. Soyez certains que le Fajr est rentré, hein, que l'aube s'est levée. Mais ça ne veut pas dire d'attendre jusqu'à ce qu'il fasse clair. Il dit, il faut plutôt précipiter et se dépêcher à prier le Fajr le plus tôt possible. Et la preuve de ça, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il priait le Fajr dans la pénombre. Il priait le Fajr dans la pénombre, bighalas. C'est-à-dire qu'au moment où les gens arrivaient dans la prière de Fajr, tu ne pouvais pas reconnaître la personne qui est à côté de toi. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas d'éclairage autre que l'éclairage du soleil. S'ils éclairaient dans la mosquée peut-être avec du feu ou des choses comme ça, mais dehors il n'y avait pas de lampadaire avec des trucs comme l'éclairage. Donc les gens ils se reconnaissaient pas les uns les autres quand ils marchaient pour aller pour faire le fajr. Il faisait noir, donc ils voyaient que comme des ombres. Et si quelqu'un est à côté de lui, il ne sait pas c'est qui, mais il prie à côté de lui. Et il dit, et il priait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que, à la fin de la salat, il reconnaissait la personne assise à côté, parce qu'il commençait à faire plus clair. Et donc le cheikh il dit, ça c'est la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commençait la prière de Fajr très tôt, et il prolongeait sa prière jusqu'à ce que lorsqu'il terminait et qu'il s'en allait, à la fin de la prière, les gens pouvaient savoir qui était assis à côté de lui, parce qu'il commençait à faire plus clair. Donc ça c'est le point qui a été mentionné aujourd'hui dans les passages qu'on a lus. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, puis on continuera la semaine prochaine pour ce livre, puis demain on fera le livre habituel, Inch'Allah, Mu'amalat al-Hukam fi Daw al-Kitab wa Sunnah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين